paillettes, je les voulais trop belles pour moi, je les voulais qui font la fête, je les voulais tout aux abois, je les voulais tout dans mes bras, je les voyais belles et fragiles, je les rêvais belles et fragiles, je les rêvais tellement aussi, je les voulais et je me noie, assis tout seul sans queue ni tête, tout seul ma gueule, encore une fois, je me revois tel un pacha dans un grand lit plein de Fatma, entouré de 100 000 paillettes, y avait Francine, y avait Ginette, y avait la Louise et Roberta, je m'y revois tel un pacha, je m'y revois et je me noie, assis tout seul sans queue ni tête, y a plus ni tambour ni trompette, tout seul ma gueule, encore une fois, tout seul ma gueule, je m'y revois. Y avait Francine, y avait Ginette, y avait la Louise et Roberta, je les voulais trop belles pour moi, je les voulais tout à 1000 paillettes, assis tout seul sans queue ni tête, y a plus ni tambour ni trompette, y a plus la Louise, y a plus Ginette, y a plus Francine, y a plus que ma tête, entourée de 100 000 paillettes, encore une fois je m'y revois. Je les voulais à 1000 paillettes, je les voulais trop belles pour moi, je les voulais qui font la fête, je les voulais tout aux abois, je les voulais tout dans mes bras, je les rêvais belles et fragiles, je les rêvais tellement dociles, je les voulais et je me noie, assis tout seul sans queue ni tête, tout seul ma gueule encore une fois, je me revois tel un pacha, entouré de 100 000 fatmas, dans un grand lit plein de paillettes, y avait Francine, y avait Ginette, tout seul ma gueule encore une fois, tout seul ma gueule je m'y revois, y avait Francine, y avait Ginette, y avait la Louise et Roberta, dans un grand lit à 1000 paillettes, je les voulais trop belles pour moi. Je les voulais à 1000 paillettes, je les voulais trop belles pour moi, je les voulais qui font la fête, je les voulais tout aux abois, je les voulais tout dans mes bras, je les rêvais belles et fragiles, je les rêvais tellement dociles, je les voulais et je me noie, assis tout seul sans queue ni tête, tout seul ma gueule encore une fois, je me revois tel un pacha, entouré de 100 000 fatmas, dans un grand lit plein de paillettes, y avait Francine, y avait Ginette, y avait la Louise et Roberta, je m'y revois et je me noie, assis tout seul sans queue ni tête, y a plus ni tambour ni trompette, y a plus la Louise, y a plus Ginette, y a plus Francine, y a plus que moi.